Yo, pour tous ceux qui galèrent, génération sacrifiée, écoutez ça. Bac plus 5, mais je trouve pas de taf stable. C'est des stages intérim, c'est lamentable. On nous a dit faites des études, vous réussirez. Résultat, diplômé, mais au SMIC frustré. Loyer à 1000 balles pour 20 mètres carrés, salaire à 1003. Vous m'expliquez comment s'en sortir. Génération qui pourra jamais acheter. Propriété, enfant, retraite, laissez tomber. Pendant que les boomers ont eu tout sur un plateau. 30 glorieuses, CDI à 20 ans, boulot. Retraite à 60 ans avec pension correcte. Nous on travaillera jusqu'à crever, c'est direct. Climat foutu, planète en feu. Économie effondrée, futur anxieux. On hérite de vos merdes, merci bien. Et en plus vous nous traitez de fainéants, c'est rien. Génération précaire, on survit à peine. Génération précaire, avenir incertain. Peine, ils ont tout pris, tout cramé. Et nous disent vous avez qu'à bosser. Génération précaire, on survit à peine. Génération précaire, avenir incertain. Peine, ils ont tout pris, tout cramé. Et nous disent vous avez qu'à bosser. Burnout à 28 ans, normal maintenant. Pression constante, Excel, mail, c'est dévorant. Soyez polyvalent, disponible. Traduction, on vous paye un demi-poste pour trois jobs, c'est risible. Ubérisation de tout, précarité généralisée. Auto-entrepreneur, joli nom pour exploiter ses passés. Pas de congé payé, pas d'assurance maladie, mais t'es ton propre patron, quelle ironie. Coloc à 35 piges avec des inconnus. Manger des pâtes en fin de mois, c'est pas prévu. Dating app parce qu'on n'a plus le temps de rencontrer. Relation liquide, rien de solide, c'est faussé. Et les vieux nous disent de mon temps on savait s'amuser. Ouais mais toi t'as acheté une baraque avec 2 ans de salaire posé. Nous on peut même pas imaginer avoir un chez nous, une famille, un truc ancré. Génération précaire, on survit à peine. Génération précaire, avenir incertain. Peine, ils ont tout pris, tout cramé. Et nous disent vous avez qu'à bosser. Génération précaire, on survit à peine. Génération précaire, avenir incertain. Peine, ils ont tout pris, tout cramé. Et nous disent vous avez qu'à bosser. Mais on lâche rien, on s'organise, syndicat collectif. On se mobilise, on va récupérer ce qu'on nous doit. Cette vie digne.